Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Après Bamiyan, Alep et Tombouctou, Mossoul, Palmyre, Marie, Dera, voire Apamé sont toujours l'objet d'un iconoclasme aveugle. L'affaire a fait beaucoup de bruit, surtout en Italie, bien moins aux États-Unis. Seule Libération et l'Histoire l'ont évoqué en France. Depuis plus de 3 mois, elle agite pourtant le microcosme de l'archéologie orientale. À la croisée de la science, de l'éthique et de la géopolitique internationale, pourquoi donc des archéologues, notamment français, ont-ils pris le chemin de Damas? Au moment où le régime syrien écrasait Alep, celui-ci organisait un colloque sur la sauvegarde du patrimoine à Damas, sous l'égide des ministères de la culture et du tourisme syrien. À l'image de Saint-Luc ou des Corinthiens, faut-il commenter les moteurs de l'éventuelle conversion de certains archéologues européens? Depuis les années 1970, les archéologues occidentaux sont habitués à œuvrer dans l'Irak de Saddam Hussein, le Pakistan du général Zia ou la Syrie du parti basse d'Hafez el-Assad, puis de Bachar, son fils. Au nom du patrimoine, cette visite à Damas cautionne-t-elle le pouvoir syrien, ses atrocités? Pour en parler, deux invités, Maurice Sarre, Marc Lebeau, bonjour. Bonjour. Professeur émérite d'histoire ancienne à l'université de Tours. Maurice Sartre, vous êtes spécialiste du Proche-Orient hellénisé, dont Palmyre, rédacteur en chef de la revue internationale Syria. En ligne avec nous de Bruxelles, Marc Lebeau, vous êtes archéologue orientaliste, président du Centre européen de recherche sur la haute Mésopotamie. Vos recherches vous ont mené en Irak, à Weli ou Ratrazim, mais surtout en Syrie, où vous avez dirigé une mission archéologique belge à Tel Melebia, puis une mission syro-européenne à Tel Beidar, là même où fut découvert les plus anciens documents écrits de Syrie. Maurice Sartre, notre chemin de Damas passe par Palmyre, dont vous êtes le spécialiste. Les batailles ont fait rage dans la grande cité antique entre Daesh, les forces gouvernementales et ses alliés russes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, le régime de Bachar el-Assad a repris le contrôle de Palmyre, mais je crois que ce qui apparaît de plus en plus à l'évidence, c'est que Palmyre n'a pas un rôle stratégique majeur. Rien n'avait été fait pour empêcher Daesh d'y arriver la première fois en mai 2015. La reprise a été relativement aisée en mars 2016. Rien n'a été fait pour la protéger à nouveau début décembre 2016 lorsque Russes et troupes de Bachar el-Assad sont partis à Alep pour bombarder Alep en abandonnant Palmyre et tout le matériel qui était là aux mains de Daesh qui était autour, et tout le monde savait qu'ils étaient autour. Donc la question qui se pose, c'est quelle est l'importance de Palmyre pour le régime, sûrement pas en termes militaires, parce que sinon on n'abandonnerait pas aussi facilement et sans combat une position majeure. Et ce sur quoi il faut s'interroger, c'est sur le rôle de Palmyre dans l'instrumentalisation et dans la propagande des uns et des autres, pas seulement du régime et des Russes, mais aussi dans la propagande de Daesh, éventuellement. C'est-à-dire que pour vous, les enjeux de ces combats, c'était bien le site archéologique et non pas une éventuelle zone éminemment stratégique? Je le crois de plus en plus. Je le crois de plus en plus parce que on voit bien que, encore une fois, il n'y a jamais eu de combat absolument acharné, pied à pied, pour s'emparer de Palmyre. En plus, on est au milieu du désert, pas l'oublier, dans une ville moderne qui n'a absolument aucun intérêt. C'est pas une vieille ville avec des ruelles. Je veux dire que c'est pas la vieille ville d'Alep ou de Mossoul. Ça n'a rien à voir. Et c'est une ville très, très moyenne. Et donc, on peut utiliser l'aviation pour la protéger, par exemple, ce qui n'a jamais été fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'écouter le discours qui est tenu à propos de Palmyre. Quand aujourd'hui, vous dites à des partisans du régime, mais enfin le régime n'a pas défendu Palmyre en mai 2015. On vous répond, mais les Occidentaux non plus n'ont rien fait, comme si c'était aux Occidentaux de protéger Palmyre. Donc en fait, on voit pointer là le début de l'instrumentalisation, mais là-dessus, il y aurait encore beaucoup à dire. Vous avez évalué les pertes à Palmyre en janvier, par exemple, le tétrapile. Le tétrapile, et puis bien sûr, le théâtre romain était détruit. Oui, alors, pas complètement. D'abord, le tétrapile, il n'y a pas un archéologue qui le pleurera, il datait de 1963. Sur les 12 colonnes, il y en avait une qui datait de l'Antiquité, les 11 autres étaient en béton, mais les incultes qui l'ont fait sauter, évidemment, ne s'en sont pas rendus compte. C'est plus grave pour le théâtre qui avait été remonté, mais le théâtre dans son ensemble, lui aussi, est très récent. Cela dit, ne minimisons pas, les ravages causés auparavant sont considérables. Les destructions de Daesh sont énormes. Temple de Bel, temple de Baljamin, je ne vais pas en faire l'inventaire ici. Les pillages qui ont eu lieu avant Daesh et qui ont lieu après Daesh ne sont pas moins importants. Je crois qu'il faut faire attention à cela. Il y a la destruction de ce que l'on voit et puis il y a le pillage de tout ce que l'on ne voit pas et de tout ce que l'on ne connaissait pas. Et là, la perte, elle est irréparable. Le temple de Bel, je suis le premier à le regretter, comme tout le monde. Mais à la limite, on a sur lui une documentation tellement complète, tellement importante, que la science n'y perd pas grand-chose, d'une certaine manière. Alors que les tombes de la nécropole sur laquelle les Russes ont installé leur camp, les pillages et les destructions qui sont entraînés par cette installation, là c'est une perte pour toujours, parce qu'on ne retrouvera pas. Près de 300 sites ou 300 monuments ont été recensés à Palmyre par les archéologues, et sa nécropole serait la plus grande nécropole d'époque romaine du Proche-Orient ? Oui, c'est vraisemblable. C'est plusieurs nécropoles, d'ailleurs. C'est l'ensemble des nécropoles qui entourent Palmyre. Bien sûr, il y a des centaines de tombeaux. Et surtout, et j'y insiste, il y en avait beaucoup qui ont été parfois repérés. Il y en a qui n'avaient même pas été repérés. Et beaucoup n'ont même pas été fouillés. Donc, il y a là des pertes totalement irréparables. Encore une fois, c'est plus l'inconnu qui a été pillé qui nous inquiète que les monuments bien connus qui ont été détruits. Maurice Sarthe, la presse internationale a beaucoup parlé de Palmyre, mais très peu du passé médiéval d'Alep. Est-ce que c'est justement parce que Palmyre est romaine et donc appartient à notre histoire, contrairement aux vestiges d'Alep qui sont médiévaux et donc islamiques ? Oui, je crois qu'il y a de ça, en partie au moins, et je crois que c'est aussi la conséquence de l'instrumentalisation. Là encore, le régime sait très bien jouer des peurs et des craintes des Occidentaux. Depuis le début de cette guerre, pratiquement toutes les chancelleries occidentales se posent constamment une question qui est de savoir la longueur de la barbe des rebelles contre Assad, comme si c'était la question majeure. Le résultat, c'est qu'à force effectivement de se demander si les rebelles sont pas un peu trop islamistes, eh bien on a fait le jeu effectivement des islamistes que Bachar el-Assad a mis dans le circuit, car c'est lui qui a vidé ses prisons et a nourri notamment Daesh et le front al-Nusra. Et d'autre part, les médias sont tombés dans le panneau de l'instrumentalisation des ruines. Palmyre, c'est un nom que tout le monde connaissait. Alep, on le connaissait, mais sans savoir quelles étaient les richesses archéologiques. Extraordinaire, évidemment. Les plus vieux souks du Proche-Orient, un nombre de mosquées, de bains, de médressés, d'hôpitaux médiévaux. Hôpital psychiatrique extraordinaire. Exactement, qui sont inconnu en réalité de la grande presse. Et d'autre part, le régime n'avait évidemment aucune raison de mettre ça au premier plan, puisqu'il est le principal responsable de la destruction d'Alep. Alors qu'à Palmyre, il pouvait faire porter le chapeau, et c'était pas totalement injustifié, bien entendu, à Daesh, c'est-à-dire ceux que l'Occident considérait comme son ennemi principal. En ligne de Bruxelles, Marc Lebeau, qu'en est-il de Marie de Tel Beïdar où vous avez fouillé ? Tout d'abord, je souscris entièrement à ce que vient de dire Maurice Sarthe à propos de Palmyre, à propos de l'instrumentalisation faite par le régime. En effet, il est bien pratique pour le régime d'incriminer Daesh et tout le monde est tombé dans le panneau. L'observatoire syrien pense que pouvoir démontrer que 75% des victimes du conflit tragique actuel est à mettre sur le compte du régime de Damas, de ses alliés, de ses milices, la proportion de dégâts vis-à-vis du patrimoine doit être dans les mêmes proportions. Donc il faut savoir que le régime, par ses bombardements sommaires, a détruit le centre historique de nombreuses cités, Homs, Dera, Marat el Noman, et malheureusement Alep, donc la perle de Syrie du Nord, cette ville qui est si chère au cœur de tous les archéologues qui la connaissent, évidemment. Tel Beïdar est dans une zone qui n'aurait pas été touchée ? Alors, votre site ? À Tel Beïdar, nous sommes dans l'extrême nord-est de la Syrie, ce qu'on appelle le triangle du Rabour, le nom de cette rivière qui est un affluent de l'Euphrate. Bon, c'est une région qu'on appelle également la Haute Mésopotamie, puisqu'elle est, depuis des temps immémoriaux, en relation avec ses voisins plus méridionaux, avec les civilisations sumériennes, acadiennes, babyloniennes, assyriennes. Il y a de centaines de sites dont un grand nombre était en exploitation jusqu'au début de la guerre civile syrienne. Une partie de cette région a été pendant un certain temps sous la domination de l'État islamique et certaines dépravations ont pu être constatées. En ce qui concerne Beïdar, donc le site que j'ai eu l'honneur de pouvoir fouiller en compagnie de mon co-directeur syrien Antoine Souleyman, a échappé à ces dégradations parce qu'elle était en quelque sorte protégée par les forces kurdes. Donc, une petite digression. Donc, en ce qui concerne les dégâts causés au patrimoine syrien, toutes les factions belligérantes sont responsables, mais à des degrés divers. Donc j'ai déjà souligné l'importance des dégradations dues au régime même de Damas. D'autres sites de Mésopotamie du Nord, comme Mari, donc une fouille traditionnelle française, encore en activité en 2010, ont tragiquement payé dans ces circonstances présentes, par part de très nombreuses fouilles clandestines. Donc Mari, sur l'Euphrate, de même que Doura Europos, un site hellénistique et romain un peu plus au nord, de même que Apamé, dans une autre région de Syrie, sont les trois sites qui ont subi les plus graves dégradations par de très nombreuses fouilles clandestines. Donc, pas réellement organisées par les factions en présence, mais fouillées par les villageois, qui n'ont plus aucune possibilité de faire vivre leur famille. Ce que les factions contrôlant la région en tirent, c'est une sorte d'impôt. Tant l'État islamique a profité de cette dîme que, très probablement, l'armée syrienne a appâmé. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Le pouvoir syrien organisait en décembre et à Damas un colloque sur la sauvegarde du patrimoine syrien sous l'égide des ministères du tourisme et de la culture. Qui y était invité, Maurice Sartre ? Alors, je suis pas dans les secrets des dieux, moi pas, je peux vous dire déjà. Mais je crois que le régime a invité des gens, soit qui étaient bien connus, je ne donnerai d'ailleurs ici aucun nom, je suis pas là pour dénoncer qui que ce soit, mais soit des gens qui avaient manifesté depuis le début leur soutien indéfectible au régime de Bachar el-Assad. Il y avait parmi eux notamment un Français qui ne s'en est jamais caché, et d'autre part des gens sur lesquels je pense... Ils comptaient surtout peut-être sur leur naïveté ou une sorte de désengagement ou de, oui, je dirais de naïveté. Mais la naïveté à ce point-là, après 6 ans de guerre pratiquement, au moment où le colloque s'est tenu, n'est plus permise. Enfin, personne aujourd'hui ne peut ignorer la situation de la Syrie, les crimes du régime, les dégâts causés à l'ensemble du patrimoine, Marc vient de le rappeler très bien, et la responsabilité écrasante du régime. Donc, les gens invités l'ont été par le régime, faut être clair là-dessus, même si l'invitation est passée uniquement par la Direction Générale des Antiquités et des Musées. Mais rien dans une dictature comme l'est la Syrie ne se fait dans aucune administration sans avoir le feu vert des services de renseignement et du régime. Marc Lebeau, quel était le but de cette rencontre ? Évoquer la sauvegarde du patrimoine en guerre ou tout au contraire, faire comme si cette guerre était désormais achevée après la prise d'Alep ? Oui, en fait, le prétexte était l'état du patrimoine et les moyens pour éventuellement le restaurer ou le reconstruire dans un avenir qu'il souhaite proche. Mais il est bien évident que c'était avant tout une sorte de célébration de ce que le régime syrien considère comme la fin de la guerre et donc la glorification de ses lignes politiques. Le but de la recherche est de contribuer au développement de la connaissance, à l'avancement des sciences. Elle se base sur des principes d'honnêteté, d'intégrité, de responsabilité. C'est ce que la société attend d'elle. Quand ces disciplines s'exercent au Proche-Orient, bon, il en découle que les chercheurs doivent être conscients des pratiques spécifiques, des normes sociales des pays qui les accueillent. Ils doivent notamment respecter les lois, les règlements de ces pays, en particulier quand ils s'appliquent à leurs propres recherches. Ils doivent respecter les ouvriers qu'ils engagent pour les assister, les étudiants locaux qu'ils contribuent à former, à perfectionner, les collègues du pays avec lesquels ils collaborent. Cependant, les archéologues du Proche-Orient, les archéologues comme les collègues de leur discipline sœur, les assyriologues par exemple, ont certaines obligations éthiques. Il faut rester attentif à ce qui se passe dans le pays où ils exercent leurs activités, et ceci tout particulièrement lorsque, comme on le sait, des droits humains fondamentaux sont violés. Est-ce que cela implique de participer à la propagande d'un régime, en l'occurrence meurtrier? Je ne le pense pas. Maurice Sartre, vous évoquez une mascarade, mais aucune institution n'y a participé officiellement. Les congressistes ne représentaient donc pas leur institution ou leur ancienne institution? Non, en fait, les institutions n'étaient pas conviées, ça c'est vrai. Ce que j'observe, c'est qu'une grande partie des gens qui se sont rendus à ce que j'appelle une mascarade, effectivement, ne représentaient qu'eux-mêmes. Une grande partie d'entre eux étaient des émérites, façon élégante de dire qu'ils sont à la retraite, et parfois depuis longtemps. Quelques-uns d'entre eux n'avaient jamais réellement travaillé d'ailleurs en Syrie, même s'ils sont des historiens qui sont compétents dans le domaine de l'histoire du Proche-Orient. Donc, si vous voulez, le choix avait été fait de façon certaine. Ce qui est choquant, c'est que on a présenté cela effectivement comme une sorte de préparation à l'avenir et à la restauration de patrimoine, et qu'il s'agissait pas, bien entendu, de collaborer avec le régime, sauf quand même que les congressistes sont photographiés dans le bureau du ministre, assis dans les fauteuils autour de lui, et que la mise en scène était bien orchestrée de la part du régime pour utiliser ce colloque. D'autre part, nous sommes tous, car il y a eu d'autres associations qui ont voté des motions sur l'avenir du patrimoine syrien, et tous ont dit, que ce soit la motion de Varsovie ou celle de Chirine, que nous étions tous, nous engagés dans l'histoire de la Syrie, prêts à aider à l'avenir et après la fin de la guerre, les Syriens, tous les Syriens, à restaurer leur patrimoine. Toutes nos archives leur sont ouvertes, évidemment sans exclusive. Mais il ne s'agit pas de restaurer seul, comme si d'entrée de jeu, dès maintenant, Bachar el-Assad avait gagné la guerre et devait seul décider de ce qui sera sauvegardé et préservé. Marc Lebeau, ce colloque aurait été organisé en collaboration avec un archéologue et une firme privée française, une co-organisation qui semble assez rare en Syrie. Oui, pour le moins. Oui, à ma connaissance, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, je ne connais pas de manifestation en Syrie qui n'est pas de nature internationale, qui n'ait jamais été organisée par une autre organisation que le gouvernement lui-même. En plus, ce colloque a été tenu absolument secret. Oui. Donc, en Europe, les gens qui n'ont, c'est-à-dire l'énorme majorité de la communauté scientifique, n'a été au courant de ce colloque que quelques jours après, lorsqu'on a eu vent des émissions de la télévision syrienne, lorsqu'on a pu lire des articles dithyrambiques sur la collaboration internationale dans les journaux syriens, et lorsque le service des antiquités syriens, donc la direction générale des antiquités des musées du Syrie, a exposé largement ce colloque sur son site web, de même que l'agence pro-gouvernementale SANA. Donc voilà, tout cela est arrivé à notre connaissance qu'après le colloque. Maurice Sartre, vous confirmez donc oui, ce côté, absolument, on l'a cette su après. Co-organisation un peu particulière? Oui, on l'a su qu'après, et lorsqu'on a vu apparaître notamment les photos d'un de nos collègues français. Par les ministères de la culture et du tourisme du gouvernement syrien, par un privé, un archéologue français à la retraite, actif en Syrie jusqu'en 2010, et par une société privée française, donc spécialisée dans l'imagerie aérienne, spécialisée également dans l'utilisation de drones, dont on fait beaucoup de cas pour le moment en France. Maurice Sartre, vous confirmez donc ce caractère exceptionnel de ce colloque ? Absolument. Moi, il y a une question que je me pose depuis le début, mais je le dis tout de suite, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Mais Marc sait très bien que lorsqu'on veut faire des photos aériennes, ne serait-ce que par un cerf-volant, sur un chantier de fouilles, on remplit des tas de papiers et c'est très difficile d'obtenir l'autorisation des mouhabarats du coin, c'est-à-dire des services de secret syriens. Et là, on voit une société française spécialisée dans les drones dont quelqu'un m'a dit, je crois que ça avait parfois aussi un intérêt militaire, pouvoir faire voler des drones avec toutes les facilités possibles, un petit peu partout. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit uniquement une société s'occupant d'imagerie aérienne à des fins archéologiques. En tout cas, on peut se poser la question. Et j'aimerais savoir quelles sont les collusions entre cette société et le régime syrien. Un jour, on saura probablement. Mais pour l'instant, c'est quand même un peu intriguant. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons la participation de certains archéologues occidentaux à un colloque organisé par le régime syrien durant la bataille et la chute d'Alep. Marc Lebeau, tout colloque a son excursion. Dans celui-ci, une visite de Palmyre était, semble-t-il, à l'ordre du jour ? Oui, le colloque était prévu pour durer 2 jours. Il a d'ailleurs eu lieu. Il devait être, c'est le 10 et le 11 décembre 2016 pour être précis, il devait être suivi le lendemain par une grandiose visite sur le site dévasté de Palmyre où une photo de groupe aurait été prise et probablement largement diffusée par l'agence syrienne Sana. Malheureusement pour les congressistes, heureusement je dirais pour nos disciplines, la veille de la visite prévue, l'État islamique a repris le site. Donc, ce fait a été déjà évoqué au début de notre exposé, je ne vais pas y revenir, mais le site avait été laissé sans défense par les troupes du régime et leurs alliés russes, qui probablement avaient mieux à faire dans la destruction tragique d'Alep Est. L'archéologie représente-t-elle un véritable enjeu politique pour le régime syrien ? Un enjeu trop important pour qu'on le laisse sous le contrôle de simples archéologues, même syriens ? Bien sûr, de manière objective. Et on l'a bien vu avec ce qui s'est passé à Palmyre, le régime syrien se désintéresse totalement de son patrimoine. Seul importe la propagande. Le fait de parler du patrimoine archéologique, du patrimoine culturel en danger, est uniquement utilisé par le régime syrien et par donc son ministère de la Culture et par son service des Antiquités pour venir en appui à cette image, à donc donner l'image que les seuls destructeurs sont les autres factions, qui sont uniformément appelées terroristes. Qu'en est-il de la société civile ? Il faut savoir que le conflit actuel en Syrie n'est pas vraiment une guerre civile, c'est une guerre contre les civils. Il ne s'agit pas ici de venir au secours de n'importe quelle faction. Toutes ont leur responsabilité dans ce conflit. Simplement, je voudrais qu'on fasse un petit peu attention à la société civile et aux innombrables Syriens qui ont dû s'extraire du pays, de toutes les couches de la population, y compris nos collègues. Il faut savoir que le service des Antiquités de Damas, donc la direction générale des Antiquités des musées de Syrie, a vu les 3/4 de ses hauts dirigeants s'expatrier parce qu'ils étaient menacés par le régime pour leur opinion démocratique. Et voilà, maintenant, ceux-ci sont en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, même au Japon. Maurice Sartre, 27 missions archéologiques françaises œuvraient voici quelques temps en Syrie. Le régime menacerait-il les pays de supprimer ces missions étrangères ? Oui, je crois que le colloque de Damas avait notamment pour objectif, et on l'a vu très vite puisqu'il y a eu là-dessus une lettre signée, semble-t-il, du directeur général des Antiquités, mais là encore, petite parenthèse, je ne l'accuse pas lui-même d'avoir écrit ce texte, car je crois qu'il ne diffuse que les informations que le régime lui demande de diffuser, et on a eu une lettre qui mettait clairement en évidence qu'on commencerait par faire le tri entre les bons et les méchants. Les bons, c'est ceux qui soutiennent le régime, les méchants sont tous les autres. Donc, je crois que là, il y a plus qu'une instrumentalisation même de l'archéologie, et je souscris entièrement à ce que dit Marc Lebeau, et on pourrait là-dessus rajouter encore une foule d'exemples. Et d'autre part, il est clair qu'on s'apprête, comme si d'ailleurs la guerre était terminée et que la victoire était assurée, alors que rien n'est sûr, évidemment, puisque le régime ne tient que par ses soutiens, les Iraniens et les Russes, à utiliser et à faire le partage, donc entre les bons et les méchants. Je voudrais revenir d'un mot sur quelque chose que Marc a dit tout à l'heure et qui est important. La société civile qui souffre si terriblement de cette guerre, on est dans la 7e année, il faut le rappeler, c'est plus long que la Seconde Guerre mondiale, hein, a pris conscience de l'importance de son patrimoine. Et on pourrait citer des tas d'exemples d'individus, de petites sociétés locales qui se sont mis à protéger leur patrimoine. Au mépris d'ailleurs du régime qui, lui, ne cesse de détruire et de bombarder. Et donc ça, c'est peut-être aussi une graine semée pour l'avenir, et c'est quelque chose d'assez nouveau en Syrie. Le régime syrien ne contrôle qu'un quart du territoire, il faut le savoir. Un quart, voire un tiers. Pour le moment, ce serait plus proche d'un tiers. Mais les deux tiers du territoire syrien échappent au contrôle de Damas. Et c'est dans ces régions, soit les régions du nord et du nord-est de la Syrie, les régions kurdes, soit à l'extrême sud, dans la région de Deraa ou de Bosra. Ces régions sont contrôlées par d'autres factions. Et c'est là que, dans ces régions-là, le service des antiquités n'a aucun pouvoir actuellement. Et elle n'atteint pas ces régions parce qu'elles ne sont pas sous le contrôle du régime. Or, de multiples ONG syriennes se sont créées et qui font un travail tout à fait admirable. Et ces participants français, italiens, certains américains, qui étaient présents au colloque, n'ont de cesse de critiquer ces ONG. Donc ces ONG d'étudiants, de jeunes chercheurs, de membres de la société civile. C'est absolument inacceptable. Marc Lebeau, pour vous, face à la population qui meurt, le patrimoine peut attendre ? Il est éthiquement inacceptable, Vincent, d'utiliser la réalité des destructions du patrimoine pour nourrir des agendas politiques ou pour diffuser toute forme de propagande. Se borner, comme ils le font, à évoquer exclusivement la destruction du patrimoine culturel, sans se soucier des pertes humaines, sans se soucier de la tragédie de ceux qui souffrent, exposés à de tels conflits, sans marquer la moindre empathie envers ceux qui sont contraints de vivre en exil, nombreux, pour leur propre sécurité, pour celle de leur famille, c'est absolument, moralement, indéfendable. La communauté scientifique se doit d'exprimer son respect. Nous devons montrer notre compassion envers les habitants de ces pays ravagés par la guerre. Nous avons vu comme il est difficile de pouvoir les accueillir. Le respect des lois d'un pays ne peut mener à l'indifférence envers ses habitants. Et en ce qui concerne nos collègues archéologues, est-ce que dans le futur, seront-ils amenés, accepteront-ils de signer des permis de fouilles qui sont rédigés en persan et écrits en caractère cyrillique ? Marc Lebeau, très rapidement, vous avez bien sûr créé une association internationale à but non lucratif, Shirin, dont vous êtes d'ailleurs sorti. Vous payez aujourd'hui le prix lourd, celui de votre engagement. Vous êtes désormais sur la liste noire du pouvoir et interdit de retourner bien sûr en Syrie, mais aussi sur votre site. Oui, cela va de soi. Cela va de soi. Donc, il y a actuellement une sorte de fatwa sur le site de la Direction générale des antiquités et des musées, qui, clairement accuse et compromet l'avenir dans ce pays-là de tous ceux qui ont adhéré à une charte éthique récemment écrite par nos collègues et postée sur le site de l'Université de Pennsylvanie. Oui, nous sommes au banc, nous sommes condamnés à ne plus exercer dans ce pays et très probablement dans les pays qui sont actuellement alliés au régime syrien. Maurice Sarr, Marc Lebeau, merci beaucoup. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Manuel Couturier, avec la contribution d'Anne Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 se penchera sur une très belle découverte actuellement en cours dans la ville d'Uzès.